1031, c'est Marceau le matin, le Point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h45. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Le Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Alright, alright, alright. Boulevard 1021, maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk. Une propriété Leclerc Communication. I hope you know. Into the ground. I hope you know. Oh, du rock avec Colosse. Suggestion d'activité familiale pour ce samedi. Samedi le 6 septembre de 13 à 17 heures, on vous attend au secteur de l'Estuaire à proximité de l'Oasis pour une quatrième édition de la fête maritime familiale. Une journée complètement gratuite, c'est rendu rare ça, avec des jeux gonflables, du maquillage pour les petits, plein d'exposants et plus encore. Plusieurs prix de présence exclusifs vont être tirés pour offrir à quelques chanceux des expériences que tu retrouveras pas nulle part ailleurs. C'est unique, ça s'achète pas puis c'est mémorable. Comme par exemple une excursion à bord du voilier La Toison d'Or avec une biologiste, une visite d'un navire de croisière et aussi un essai du simulateur de pilotage de la corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. Pour plus de détails, rends-toi sur le Facebook de la fête maritime familiale. Boulevard 102.1, fièrement partenaire du port de Québec. On a du filter avec Take a Picture au programme, mais là, c'est Franz Ferdinand. Voici Take Me Out à Boulevard 102.1. kiffer la prochaine chanson, un truc de ouf. Le spécial Big Shiny Tunes, présenté par Identité Québec. Toutes les raisons sont bonnes pour effacer son casier. Profitez de nos services d'accompagnement clé en main à 100% sans frais cachés. Identité Québec, à un clic de ta liberté. Du 4 au 7 septembre, Saint-Roch XP anime la rue Saint-Joseph-Est avec plus de 100 spectacles gratuits d'artistes à découvrir dans des lieux inusités. Programmation complète au saintrochxp.com. Saint-Roch XP est présenté par SiriusXM. Les rabais de la circulaire de septembre sont arrivés chez Mondou. Épargnez 25$ sur les grands formats de nourriture sèche de marque Hill's Science Diet pour chats et chiens. D'ici le 10 septembre, passez en magasin pour d'autres offres incroyables ou consultez lemondou.com. Saviez-vous que Scoop Vision, c'est la place pour vos lunettes? Ils ont de grandes marques et un service A1, mais au prix du web. Rendez-vous au Scoop Vision près de chez vous pour être bien servi et ressortir avec une paire de lunettes stylées. Détails et promos au scoopvision.ca. Besoin d'une attache remorque pour tirer votre remorque ou votre roulotte ou encore pour votre support à vélo? Faites confiance à Attache Remorque Québec 2.0. Service rapide, technicien certifié et 42 ans d'expertise. Attache Remorque Québec 2.0, c'est du solide. Visitez attache-remorque.com. Hola! Qu'est-ce que je peux vous servir? Je pense que j'essaierai votre spécial Mercado.fm. Oh, c'est un excellent choix! Hé, hey, je suis curieuse, vous mettez quoi là-dedans? Je laisse mon mixologue vous l'expliquer. Ce mois-ci, les ingrédients vedettes sont un massage de 30 minutes d'une valeur de 95$ à $47 chez Infinima Spa et un excès pour une personne d'une valeur de $79 à $39 chez Énergie Spa. Il ne vous reste qu'à savourer votre été sans vous ruiner. Est-ce que c'est dans vos goûts? Mais hein, je te prends ça! Mercado.fm, un cocktail de rabais parfait pour votre été. Bon, faut que je magasine mes assurances. Moi, j'ai tout fait en ligne. Merci, bonsoir. T'es avec qui? Avec CA Québec. J'ai regroupé mon assurance auto et habitation et ça donne un méchant bon rabais. Même pas besoin d'être membre pour s'assurer. Mais être membre, ça fait pas de tort, hein, quand t'as une petite tendance à oublier d'éteindre tes lumières d'auto. Très drôle. Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 25 % de rabais et une remise de $50 CA en combinant vos assurances auto et habitation chez CA Québec. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caquebec.com/assurance-auto. Découvrez la nouvelle série Flashback. Il s'est passé un truc trop bizarre. On retourne en 94. Ils sont flics, mais pas du même siècle. On fume pas sur une scène de crime. Ce soir, 20h, en exclusivité sur Max. Abonnez-vous dès maintenant. Hey, savais-tu que chez Québec Brou, là, du dimanche au mercredi, la grosse bière est à 6,75 toute la journée. Non, tu sais, Québec Brou, on peut boire pour pas cher. Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'ancienne Lorette. Pas pire, hein? Le vendredi 12 septembre prochain, Québec accueille le Grand Prix cycliste. Vous circulez près du parcours ou vous voulez encourager les athlètes? Prévoyez vos déplacements. Consultez ville.quebec.qc.ca/Grand Prix cycliste pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec. Du 27 août au 8 septembre, obtenez 20% de rabais sur la peinture Régal Select d'intérieur de Benjamin Moore et découvrez pourquoi il s'agit de la norme d'excellence. Passez chez votre détaillant Benjamin Moore. Chaque achat aide à soutenir les collectivités du Québec. Détails en magasin. Je supervise des équipes de travail. Je forme et j'encadre mon personnel. Je planifie le travail et j'assure un service de qualité à la clientèle. Mais j'ai pas le diplôme qui confirme mes compétences. Vous vous reconnaissez? Nous aussi, on vous reconnaît. Obtenez votre diplôme collégial autrement, à distance, à votre rythme et tout en travaillant à temps plein. Voyez grand. Atteignez vos objectifs professionnels avec la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Limoilou. Séances d'information en ligne. Détails au cégeplimoilou.ca. Du 11 au 13 septembre, profite des derniers rayons de l'été au Festival Phono. Musique, jeux, food truck, zone détente, tout pour passer du bon temps. Cette année, t'en as plus pour ton argent. Une journée supplémentaire, plus de spectacles et une nouvelle scène. Galantis, Charlotte Cardin, Charlie Puth, Alex Warren et une cinquantaine d'autres artistes seront là pour faire lever le party. Achète ta passe maintenant. Festival Phono, présenté par Beneva en collaboration avec RBC. La météo, présentée par Bouffe et compagnie, qui facilite votre quotidien. Avec la routine qui reprend, gagnez du temps grâce à leur repas de qualité, frais et renouvelé chaque semaine. Bouffe et compagnie.com. Boulevard. Météo.

I'll be back in this town. At least that's what I tell her. Baby, are you saying? I know that you drank too much. And this is what she said to me. I'm at the same damn place. She's staring in my eyes, you know I'll give in. I'm wondering if I should walk on over. I said, girl, I saw you winking. Tell me what you're thinking. Can I get your name? I'm not leaving till the AM. Girl, what are you saying? Would you wanna stay with me? Just turn around. Now you're not welcome. 1021. Petit rappel pour vous dire de ne pas oublier de traîner Boulevard 101 partout où c'est que vous allez, que vous soyez en road trip sur le trône, au chalet, à la plage, en visite chez de la famille. Restez connectés avec nous autres. Il y a plein de moyens de nous écouter partout, tout le temps. Vous pouvez télécharger la nouvelle application qui est totalement gratuite, disponible sur Apple et Android pour avoir toujours Boulevard à portée de main sur votre cellulaire. Écoutez Boulevard en direct sur votre ordinateur sur le blvd.fm. Il y a une web radio là-dessus. Puis si vous avez un haut-parleur intelligent, dites simplement « Écoutez Boulevard 102.1 » à votre Google Home ou à Alexa. C'est simple, pratique et toujours pas loin, puis ça vous assure de rien manquer de ce qui se passe dans la grande région de Québec. On retourne en musique avec Bush Radiohead. Là, c'est Everlast. Voici What It's Like à Boulevard 102.1. Call her a killer and they call her a sinner and they call her a

C'est déjà tout pour moi. Je tire mon révérence. Je laisse aller la musique pour le restant de la journée. Et à compter de demain, la nouvelle programmation de Boulevard qui commence. J'ai vraiment hâte d'entendre à 6h Yann Marceau le matin. Avec le pit stop aussi d'Anne Gravel qui va être là à 7h45. Jeff Fortin et Max Larouche demeurent dans la même case horaire matinale. Max Larouche, lui, qui continue avec le point de Max de 10 à midi. Segment open mic aussi avec Audrey Pinchot à 11h avec Max Larouche. On en jase de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Il va avoir à midi aussi le caucus avec Antonine Iaccarini. Puis Gravel dans le retour, 14h, ça change pas, ce bon vieux Denis Gravel avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Puis à 18h, ben ça non plus, ça change pas, c'est Marceau le soir. Et à compter de la semaine prochaine, il va y avoir des podcasts à compter de 19h qui vont être diffusés. C'est tout pour moi, on se reparle dimanche prochain dans le Boulevard du Rock à compter de 10h. Salut! Vous voulez pas manquer la prochaine Toune Rock? Bonjour, it's Trey Cool from Green Day. Here's a new song called Dilemma on Boulevard 102.1. Spécial Big Shiny Toons, présenté par Identité Québec. Effacez votre dossier judiciaire qui vous empêche de voyager ou de travailler et reprenez le contrôle de votre avenir. Identité Québec, à un clic de ta liberté. Max, t'as-tu appelé Desjardins? Non, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'appeler grâce à l'application Service mobile Desjardins. Mmh. Quand ta carte de débit ou de crédit manque à l'appel, t'es capable d'en recommander une rapidement. On dirait que tu dis beaucoup « app ». À part de ça, mettons que ton papa te rappelle de payer ta part de l'apéro. Franchement. Non, mais fais un virement. Avec l'appli mobile, tu peux faire la plupart de tes opérations courantes. Oh, excuse-moi. App. Ben non. App. Vraiment. Happy Chew. App tes souhaits. C'est la rentrée à Québec. Avec les chantiers en cours, mieux vaut planifier vos déplacements. Partez plus tôt, utilisez une appli de navigation ou optez pour le transport en commun ou actif. Moins d'attente, plus d'efficacité. Un message de la Ville de Québec. Envie d'un nouveau défi? Climatisation Paquette est présentement à la recherche d'un frigoriste. Joignez une entreprise en pleine croissance avec des opportunités d'avancement. Nous recherchons quelqu'un de motivé et de passionné. ClimatisationPaquette.com. Climatisation Paquette! Leclerc Communication ouvre un poste de recherchiste journaliste et nos animateurs sont les mieux placés pour te le vendre. T'as le goût de te joindre à la gang en ville? Ça, c'est nous autres. Voici l'opportunité. Quelqu'un qui est intelligent, ça ferait du bien, ça. Yes! Viens travailler avec moi. Hey, viens donc joindre la gang. Envoie-moi un message si ça te parle. Boulevard 102.1 cherche à solidifier son équipe et la qualité de son contenu parlé. Tu veux être au cœur de l'actualité, sur le terrain, en studio et sur les réseaux? Postule sur carrière.fm. Du 27 août au 8 septembre, obtenez 20% de rabais sur la peinture Régal Select d'intérieur de Benjamin Moore et découvrez pourquoi il s'agit de la norme d'excellence. Passez chez votre détaillant Benjamin Moore. Chaque achat aide à soutenir les collectivités du Québec. Détails en magasin. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital, simonlaberge.com. T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le blvd.fm. Du 11 au 13 septembre, profite des derniers rayons de l'été au Festival Phono. Musique, jeux, food truck, zone détente, tout pour passer du bon temps. Cette année, t'en as plus pour ton argent. Une journée supplémentaire, plus de spectacles et une nouvelle scène. Galantis, Charlotte Cardin, Charlie Puth, Alex Warren et une cinquantaine d'autres artistes seront là pour faire lever le party. Achète ta passe maintenant. Festival Phono, présenté par Beneva en collaboration avec RBC. Le 5 octobre, participez au tout premier rallye gourmand de la Fondation Santé Port Neuf, dédié à améliorer les soins de santé chez nous. Parcourez 9 arrêts pour découvrir l'histoire et les saveurs de nos entreprises locales. Détails au santéportneuf.ca. Prendre soin de nous, chez nous. Ortec Environnement Service embauche des opérateurs chauffeurs avec permis classe 1 ou 3 pour son bureau de Lévis. Même sans expérience, venez rejoindre une équipe chevronnée et apprendre le métier du nettoyage industriel. Nous offrons un très bon salaire accompagné d'avantages sociaux sociaux, d'un excellent fonds de pension et d'une formation complète. Pour postuler, appelez au 418-833-6840 ou envoyez votre CV à recrutement.canada à commercial.ortec.ca. La route, la route, la route, l'écran, l'écran, la route, l'écran, la route, la route, la route, la route, l'écran, l'écran, le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre, le piéton à terre, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec. Les 27 et 28 septembre prochains, participez aux portes ouvertes du Collège Saint-Charles-Garnier. Vous y découvrirez nos 12 profils d'études et notre nouveau pavillon sportif. Culturellement, athlétiquement, scientifiquement, le Collège Saint-Charles-Garnier, oui, absolument. Détails au collègegarnier.com. Dès le 2 septembre, Boulevard te tient informé toute la semaine. Oh oui! Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Oh, le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h. C'est juste Gravel dans le retour qui peut faire ça. Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine. 100% talk. Boulevard 102.1. Dès le 2 septembre. Welcome to my problems. It's not invitation. This is my dilemma, and it's my obsession. I was sober, now I'm drunk again. I'm in trouble and in love again. I don't wanna be in debt, but I'm walking. I right, so that makes it all feel complicated, yeah. It all seems complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah. I'll never say you walked in my life at 2 a.m. Cause my boy's new girl is your best friend. Act like you don't see me, we'll play pretend. Your eyes already told me what you never said. Now we're in the backseat of the black car going home. When she asks me, is it wrong if I come up with you? We're both drunk on the elevator when I kiss you for the first time in New York City. I swear to God, I never fall in love. Then you showed up and I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. Then you showed up and I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it. You know my ex, so that makes it all feel complicated, yeah. That you sent to yours, but I'll never say it, yeah. Cool kids never have a time.